Paris la nuit, Paris la nuit, Paris sexy, Paris sexy, follow me, follow me. C'est cabaret, c'est cabaret, c'est beau musclé, c'est beau musclé. Come with me, come with me. C'est gigolo, c'est gigolo, c'est mégalo, c'est mégalo. Follow me, follow me. Ces petites adresses, ces petites adresses, et ces secrets, ces secrets. Come with me. Je suis la femme de Paris, je suis la reine de la nuit. Moi tous ces hommes qui m'ennuient, je les séduis, je les oublie. Paris la nuit, tout est permis, comme ces caresses qu'on oublie. Paris le soir, en rose et noir, tu m'obliges à me coucher tard. En rose et noir, tu m'obliges à me coucher tard.